l'hémisphère nord. Greenwich. Seconde. Две секунды! Быстрее! Раната! Есть кто живой? J'avoue, j'aime bien aussi. Quand ça envoie, ça tabasse. Ça peut. M'envoyer juste si je peux placer plusieurs. Признаков жизни нема, абонент можно. Des phrases, des mots, des virgules. Des intentions. Seconde. Две секунды. Быстрее. Раната. Секунду. Две секунды. Быстрее. Две секунды. Две секунды. Быстрее. Faire entrer le loup dans la bergerie. Trop volumineux, un son. Seconde. Qui envahit tout. Seconde. Te laisse pas le choix. Seconde. секунд! Две секунды! Быстрее! Секунд! Rouge. Un truc qui tiendrait sur ses deux pattes, contrairement à ton rythme. On essaye, on rate. Pas de problème. Secondo.